Donc Edward Said a publié Out of Place en 1999. Difficile, titre difficile à traduire. Littéralement, l'expression signifie inapproprié. C'est donc probablement le sens premier en réalité, l'usage linguistique qu'il faut entendre, mais aussi, bien entendu, dans le contexte de Saïd lui-même, et étymologiquement, quelque chose comme hors lieu. Donc sans doute le choix d'une formule toute différente en français, dans la traduction française, à contre-voix. Et les connotations sont évidemment autres. Être out of place, c'est n'avoir aucun ancrage fixe, c'est la condition de l'exilé, et même si on finit par la revendiquer, comme le font un certain nombre d'écrivains, dont Saïd, il y a souvent, et en particulier chez lui, une blessure première, peut-être une sorte de pessimisme. Saïd n'emploie pas le mot, je crois. Lui, il dit plutôt de scepticisme. C'est le terme avec lequel il termine Out of Place. Un scepticisme sous-jacent dans cette situation d'être dans un non-lieu. Être à contre-voix, en revanche, c'est se situer volontairement dans une posture d'opposition, dans un refus subversif et actif des valeurs et des discours dominants. Et ces deux dimensions, évidemment, celle de la souffrance subie et celle de la révolte voulue, sont constitutives de Saïd lui-même, qui ne cesse de s'interroger sur les ambivalences de son identité dans ce récit autobiographique, récit que je lirai, je le précise d'emblée, en tenant compte précisément de l'aspect générique de ce texte, et parfois aussi comme un texte littéraire. En tout cas, pas uniquement, je dirais, comme un témoignage. Un témoignage, en tout cas, construit. Bon, ce qui n'a pas changé entre l'original anglais et la traduction française, c'est le sous-titre. Et mémoire est devenu simplement mémoire, au pluriel évidemment en français, renvoyant à un genre bien établi, apparenté à l'autobiographie, mais qui s'en distingue néanmoins par le fait que le moi se construit lui-même comme un témoin de son temps, et donc comme un acteur de l'histoire. Ainsi, Saïd a-t-il comme lointain prédécesseur un écrivain comme Chateaubriand, qui, avec ses mémoires d'outre-tombe, construit son propre monument pour la postérité, orientant du même coup l'image qu'il veut donner de lui-même pour ses propres lecteurs. Bien sûr, Saïd ne revendique pas cet héritage, surtout s'agissant d'un auteur comme celui que je viens de citer, aux antipodes sur le plan idéologique de ses propres convictions, mais littérairement et génériquement, certainement au fondement du genre dans lequel il se situe. Il n'en reste pas moins que, surpris par la maladie, Saïd éprouva le besoin, à partir de 1994, de s'interroger lui-même, sur lui-même, et d'en laisser une trace écrite, anticipant sa propre mort. Les mémoires sont en général écrits sur le tard, en tout cas une période de la vie suffisamment avancée pour que le rédacteur puisse se livrer à un regard rétrospectif et à une tentative de ressaisie de sa propre vie. Dans son ensemble, ou au moins pour partie, comme c'est ici le cas, ce sont des mémoires des années de jeunesse. Mais ce mouvement est double. D'une part, le mémorialiste cherche à se réapproprier un passé, parfois lointain, pour lui donner sens et l'inscrire dans une chronologie qui devient souvent logique. La tentation est alors forte de transformer le récit autobiographique en une destinée et de considérer l'enfant comme le germe de ce que deviendra l'adulte. Donc, construction de soi-même, évidemment, comme une téléologie, si vous voulez, téléologie individuelle. Alors, qu'est-ce que devient l'adulte Saïd, tel qu'il se peint en tant qu'enfant? Eh bien, un révolté, un marginal, un excentrique, hein, ce sont des formules qu'il emploie lui-même. D'autre part, il ne peut pas y avoir, par définition, superposition parfaite entre le présent et le passé, et Saïd le sait parfaitement, bien entendu. Et même, il le souligne. Ainsi, le mémorialiste dévoile-t-il lui-même les discordances, ou pour filer la métaphore musicale que certains d'entre nous souhaitons introduire dans ce colloque, les dissonances, il souhaite souligner donc les dissonances qu'il peut y avoir entre, disons, le « je regardant » et le « je regardé ». Ce dédoublement du « soi » qu'implique à tout moment l'écriture, la rédaction des mémoires et l'introspection qui la précède. Saïd, on est donc parfaitement conscient. On a affaire là à une écriture réflexive, c'est un terme qui a été employé, je pense qu'il est particulièrement, plus qu'approprié, enfin, il est nécessaire lorsqu'on s'interroge sur un texte comme celui-ci. Donc Saïd en est parfaitement conscient lorsqu'il écrit à la fin de sa préface qu'il résulte de son propre geste autobiographique, je le cite, « un certain détachement et une ironie dans l'attitude et dans le ton ». Donc, voilà, le « je » qui écrit commente perpétuellement ou jalonne, disons, son récit, n'est-ce pas, de commentaires méta-réflexifs, et constate lui-même les dissonances qu'il introduit entre ce qu'il était et ce qui en résulte dans l'écriture de ses mémoires. Et on retrouve d'ailleurs dans les mémoires de Saïd un certain nombre de caractéristiques du récit autobiographique classique, hein, ce que je vous dis n'est rien d'autre que caractéristique des éléments de la poétique du genre, si vous voulez. Par exemple, lorsqu'il porte son attention sur des moments clés, lorsque le narrateur et le lecteur avec lui a le sentiment que tel événement marque un basculement essentiel, l'entrée dans une réalité nouvelle. Il en est ainsi avec le chapitre 8 qui a quelque chose d'un rituel initiatique, avec la prise de conscience des rapports de domination sociale et politique, avec l'entrée donc au Victoria College du Caire à l'automne 1949. Saïd a 14 ans. Il écrit « Pour la première fois, je devins Saïd tout court, de prénom inconnu ou simplement abrégé en E, I, anglais, Edward, et en tant que Saïd tout court, je pénétrais dans un monde hybride constitué de divers noms de famille, Zaki, Salama, Moutevelian, Shalom, d'origines diverses, tous escortés d'initiales, désœuvrés, pour ne pas dire absurdes. » Changement d'identité, donc, marqué par une perte du prénom imposé par les professeurs anglais, donc une sorte de passage à l'âge adulte, un peu précoce, on n'est plus nommé par son prénom, on nomme par votre nom de famille directement, mais ce passage à l'âge adulte, c'est en même temps une perte, c'est une régression, ça y est tout court, il y a quelque chose de castrateur, on a perdu quelque chose dans ce passage. Ce que l'enfant ou l'adolescent ne perçoit pas, mais que le narrateur, lui, perçoit lorsqu'il réfléchit sur ce phénomène, c'est que c'est une perte partagée, qui est en même temps le signe d'une intégration dans l'univers de la diversité ethnique et religieuse. Celui d'une Égypte qui est encore, à cette date, me semble-t-il, ancré dans l'histoire de l'Empire ottoman. Je pense à ce que nous disait ce matin Laila. Alors, première partie que j'ai intitulée « L'Égypte, patrie incertaine ». Avant d'en venir donc aux deux années que Saïd passa au Victoria College du Caire, il est utile de faire un petit détour pour examiner à la fois le statut de l'Égypte dans ses mémoires est la place de cet établissement dans le parcours scolaire de l'élève. Saïd est né à Jérusalem, comme on sait, mais, ainsi qu'il l'explique, ses parents étaient déjà établis en Égypte, et c'est uniquement parce que le premier accouchement de sa mère s'était mal passé au Caire que celle-ci a souhaité accoucher, cette fois-ci, en Palestine. Les deux parents de Saïd sont d'origine palestinienne, mais dès qu'ils ont eu des enfants, leurs lieux de résidence ont presque toujours été soit l'Égypte, soit le Liban. Jusqu'à ses premières années d'études aux États-Unis, la vie de Saïd est donc rythmée par une alternance entre le Caire, où il effectue la quasi-totalité de sa scolarité, à part l'année 1947, à Jérusalem, d'une part, et d'autre part, le village de Dour, dans la montagne libanaise, où il passe de longs étés dans une sorte d'ennui fécond, hein, où il apprend beaucoup de choses, mais voilà, sont de grandes coupures scolaires avec ses parents. Et c'est là donc où habite la famille de sa mère. Donc il y a, me semble-t-il, pendant ces années, trois lieux symboliquement importants au Moyen-Orient pour Saïd, mais qui n'ont pas tous le même statut. Il y a la Palestine, bien sûr, même si le jeune garçon l'a connue, en réalité, il me semble qu'on pourrait dire que c'est quelque chose comme une patrie tardive, hein, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, mais elle est prise en charge dans la mémoire comme patrie a posteriori, hein, un peu tardivement. Et voilà, il n'y a rien d'étonnant à cela, hein, c'est comme avec le corps, hein, c'est quand le corps lâche, on se souvient qu'on a un corps, bon, la patrie c'est un peu la même chose, semble-t-il, et c'est au moment où la famille de sa tante Nabiha est expulsée du quartier de Jérusalem-Ouest où elle habite, peu avant la création de l'État d'Israël, en 1948, que cette prise de conscience probablement se produit chez l'adolescent. Le Liban, lui, est plutôt lié à la mer. Il y a probablement quelque chose comme une sexuation des patries chez Saïd. Hein, je vous ai dit que j'allais le lire comme un livre un peu littéraire aussi. Donc, le Liban est plutôt féminin, il est lié à la mer, avec laquelle l'enfant a une relation ambivalente, faite d'amour et de rejet, hein, comme les dont tu nous parlais vis-à-vis de l'Occident. C'est là également qu'auront lieu les premières amours de Saïd. Mais c'est sans doute l'Égypte où le père s'est établi pour son travail, puisqu'il a fondé une entreprise de matériel de bureau, avec laquelle Saïd, toute sa vie, garde le lien le plus fort. Donc, l'Égypte, patrie du père, matrie, dirait Jean-Pierre Richard, autre grand critique de l'école dite de Genève. Et il est d'ailleurs significatif que dans le cahier de photos qui figure à l'intérieur des mémoires, en tout cas dans l'édition française que j'ai, à peu près la moitié d'entre elles, sur une trentaine, soit consacrée au Caire. La moitié, ça dit quelque chose. C'est bien lui qui les a choisies. En tout cas, co-choisies, j'imagine, enfin, suggérées, données, présentées à son éditeur. La capitale égyptienne est donc à la fois la ville qui a permis au père de Saïd de faire fortune et à l'enfant, puis à l'adolescent Edouard, d'acquérir sa formation scolaire. La première école qu'intégra le jeune Saïd fut la Gezira Preparatory School, l'école primaire de Gezira au Caire. C'était un établissement anglais, mais où étaient scolarisés des élèves d'origines très diverses, comme en témoigne d'ailleurs encore un site d'anciens d'alumni qu'on peut trouver encore aujourd'hui sur le net, même si ce site est ancien. Vint ensuite la Cairo School for American Children, où Saïd entra à l'âge de 10 ans et demi en 1946, la chose ayant été rendue possible du fait de la citoyenneté américaine du père, on l'a rappelé, hein, qui avait lui-même vécu aux États-Unis. Dans un premier temps, cette école constitua, semble-t-il, un soulagement pour le jeune garçon. Par contraste avec le système britannique très hiérarchisé de la GPS, mais la présence d'une maîtresse très dure, qu'il qualifie de sadique, donc les milieux scolaires dans lesquels il est sont en fait sont des lieux de torture, hein, ils sont parsemés de gens sadiques. Bon, il y a quelque chose du camp de concentration, hein, visiblement pour lui. Et surtout la conscience du regard méfiant des autres élèves porté sur son identité hybride. Pire qu'au total, le jeune Saïd se sentit, je le cite, encore plus étranger dans cette école américaine. Et vient ensuite le Victoria College, donc le retour à une école anglaise, où il reste 2 ans, entre l'automne 49 et fin 51, date à laquelle Saïd part pour les États-Unis, après avoir été renvoyé pendant 2 semaines de cet établissement et ne l'avoir réintégré que provisoirement, sachant que son avenir éventuel dans une université en Angleterre serait compromis. On en déduit, si on fait de la contre-histoire, qu'en fait le projet de Saïd, ou plutôt du père de Saïd pour lui, c'était de l'envoyer dans une école anglaise. Donc s'il n'avait pas été renvoyé, là, Saïd serait allé en Angleterre. Peut-être qu'il aurait écrit exactement la même chose, mais enfin, ça n'aurait pas été les États-Unis. Bon. Saïd fait un portrait, on ne s'en étonnera pas, au vitriol, hein, un portrait quasiment littéraire, une caricature au sens générique du terme, hein, très drôle, du directeur du Victoria College, M. Griffith, chauve aux yeux globuleux et aux nœuds papillons, responsable de son expulsion après une bagarre de l'ensemble de sa classe avec le professeur d'anglais. Saïd peint cette altercation de façon à apparaître lui-même un peu comme un bouc émissaire, en tout cas celui qui, se trouvant par hasard à portée du professeur, paya pour les autres élèves. Il y a ici comme ailleurs, et comme très souvent dans les mémoires, une façon particulière de se présenter, des justifications. On sent bien qu'il y a là, véritablement, on témoigne devant l'histoire pour les faits les plus petits comme les plus grands. Il s'agit quand même de donner une image particulière de soi-même. Bon, absolument rien d'étonnant à cela. Quoi qu'il en soit, cette exclusion scolaire réelle et même temporaire a bien entendu été vécue comme une humiliation, et c'était d'ailleurs le but de l'affaire. L'adolescent étant devenu, après la fatwa du directeur qui lui dit « partez d'ici, maintenant », l'enfant étant devenu, ce sont les mots qu'emploie Saïd, un paria à l'école, un paria. Impossible pour le lecteur des mémoires que nous sommes aujourd'hui de ne pas mettre cet épisode en relation avec l'expulsion de sa famille de Palestine et avec la future interdiction de séjour en Égypte que Saïd devra subir entre 1960 et 1975. Alors bien entendu, je commets volontairement des anachronismes, si vous voulez, mais ce ne sont pas non plus des anachronismes en ce sens, c'est mon fil rouge dans toute cette affaire, que je n'oublie jamais le moment où Saïd écrit. Saïd écrit du, n'est-ce pas, il connaît la fin de l'histoire qu'il veut raconter. Et donc il construit sa propre autobiographie dans les moindres détails en instillant des éléments qui peuvent faire penser au lecteur à des éléments qui éventuellement peuvent se dérouler plus tard. Il politise, si vous voulez, son récit d'enfance. Et il écrit indéniablement une autobiographie comme un récit d'exil. Deuxième partie, domination et résistance en milieu scolaire. Très vite, il apparaît que le Victoria College est comme une métonymie de l'Empire britannique, alors même que l'Égypte était théoriquement indépendante depuis 1922. Mais on sait que les Anglais maintiendront des troupes sur le sol égyptien jusqu'au début des années 1950. Et alors l'école des études sociologiques l'ont montré, malgré toutes les vertus intégratrices qu'elle peut avoir, qu'elle devrait avoir, tend malgré tout, trop souvent, à reproduire les inégalités sociales. Alors dans le cas du Victoria College, elle ne reproduit pas les inégalités sociales au sens où de toute façon c'est toujours les mêmes qui sont dans cette école. Le milieu est extraordinairement homogène socialement parlant, il est divers ethniquement, mais il est homogène socialement parlant. En revanche, c'est un milieu qui reproduit les inégalités politiques. D'autant que, comme le souligne Saïd, pas un seul élève anglais n'y était inscrit. L'autorité des professeurs, qui eux sont presque tous des Britanniques, sur les élèves, est présentée à l'évidence comme homologique de la tutelle de type colonial qui refusait de renoncer à ses prérogatives politiques et militaires. Saïd exprime les choses d'ailleurs de façon très claire, je le cite, « Pour organiser de manière cohérente la vie du millier de garçons du Victoria College, la direction nous avait divisés en « maisons », entre guillemets, système propre à nous initier et nous familiariser à l'idéologie de l'Empire. L'adolescent de l'époque a-t-il eu véritablement conscience de ce qui se jouait dans son école, à savoir la transposition et l'application du célèbre proverbe « diviser pour régner » Il est plus probable qu'on a surtout affaire ici à l'analyse de l'adulte qui, à la suite d'essais comme l'orientalisme ou culture et impérialisme, est parfaitement capable de décrypter les mécanismes de perpétuation de la domination occidentale sur l'Orient. Le mémorialiste analyse son propre passé à l'aide du théoricien qu'il est devenu, et dont la critique du discours orientaliste est considérée aujourd'hui encore, même si par ailleurs Saïd était mal à l'aise avec cela, je crois, comme un moment fondateur des études postcoloniales. Un autre passage du même chapitre explicite d'ailleurs ce décalage entre la manipulation idéologique dont les élèves du Victoria College faisaient l'objet et la compréhension a posteriori des mécanismes de domination à l'œuvre dans le système scolaire britannique. Je cite Saïd, « Les élèves étaient considérés comme les membres payants d'une sorte d'élite coloniale en puissance, éduqués selon les principes de l'impérialisme britannique moribond, ce dont nous n'étions pas vraiment conscients. » Je souligne « ce dont nous n'étions pas vraiment conscients ». Mais on pourrait souligner dans le soulignement « pas vraiment ». En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le « pas vraiment », c'est-à-dire un peu quand même, mais pas tout à fait. Hein. On est dans un entre-deux intéressant, un inconscient, une latence, un peu conscient. Nous apprenions la littérature et la civilisation anglaise, la monarchie, le parlement, etc. Je saute une partie de la citation, être arabe. Parler arabe était des délits au Victoria College. Hein. Parler des langues ce matin, voilà, je rejoins cette réflexion. Le chapitre 8 des Mémoires de Saïd recèle un passage à forte valeur symbolique, celui de la fessée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il se fait battre, hein, reçoit des coups de bâton sur le derrière, et il, ah, c'est pas une ligne, hein, si vous voulez, c'est une page et demie, hein, c'est un épisode à part entière. Hein. Épisode qu'on est tenté de mettre en rapport avec un autre souvenir du même ordre, savoir un épisode très célèbre au livre 1 des Confessions. Mais alors que Rousseau avoue, lui, rétrospectivement aussi, bien sûr, le plaisir pervers qu'il prenait à la punition infligée par Mademoiselle Lambercier, qui jouait pour le jeune garçon le rôle de mère de substitution, hein, raison pour laquelle Mademoiselle Lambercier, qui était une personne intelligente, a finalement arrêté de le battre, parce que c'était contre-productif, puisque évidemment, jeune garçon en demandait encore plus. Hein. C'est une forme de sexualité déguisée. Donc voilà, elle a compris. Alors, donc, la situation n'est pas du tout la même. Hein. Elle n'est pas du tout la même, mais en revanche, je pense qu'il y a un rapport intertextuel là-derrière, non avoué, mais Saïd était un homme très cultivé, et je pense qu'il y a un calque, si vous voulez, dans cet épisode. Donc Saïd, lui, fait de ce moment, qui est pour lui un moment d'humiliation, une expérience tout aussi fondatrice, mais fondatrice non pas de sa sexualité, comme chez Rousseau, mais de son rejet de l'autoritarisme et de l'oppression. Mieux, il construit le récit de cet épisode comme une sorte de métaphore politique où l'on retrouve différents acteurs des conflits de son temps et peut-être même des temps à venir. Ainsi, l'écolier est-il fouetté pour avoir lancé des cailloux ? Un geste qui peut paraître anodin, mais qui, dans le contexte de cette punition infligée par un certain Lagnado, ou Lagnado, je ne sais pas comment il faut le prononcer, secrétaire du directeur, et dont Saïd précise qu'il est un juif oriental européanisé, chaque mot a son importance, évidemment, et je pense que dans ces trois termes, le plus important, ce n'est ni juif ni oriental, mais européanisé. Enfin, c'est tout est important, mais si vous voulez, ce qui fait basculer l'identité du personnage, c'est le fait qu'il est européanisé. Donc, dans ce contexte-là, ce geste, n'est-ce pas, lancer des cailloux, la raison de la punition, hein, ce geste apparaît comme une forme de résistance qui ne peut pas ne pas faire penser aux intifadas palestiniennes. Voilà. Nouvel anachronisme, violent. Mais c'est l'intérêt d'un texte comme celui-ci, n'est-ce pas ? J'essaye, si vous voulez, de faire travailler la dimension littéraire de ce texte. Bon, ce type de rapprochement, qui comporte évidemment une part spéculative, puisque rien n'est dit explicitement dans le texte, mais si vous l'acceptez, si vous acceptez de me suivre dans cette réflexion, repose sur un mécanisme de projection du passé, du présent, sur le passé. En tout cas, on peut y lire une double critique qui porte sur l'autorité britannique en Égypte, hein, ça c'est sûr, celle de la brutalité d'un pouvoir occidental qui écrase toute forme de contestation, mais aussi celle de la lâcheté de ce même pouvoir qui passe par des intermédiaires pour ne pas se salir les mains, au sens propre du terme, en instrumentalisant, en l'occurrence, un oriental pour le retourner contre l'Orient lui-même. Un juif oriental. On retrouvera, je le signale pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'on pourrait avoir le soupçon qu'il y a là une stigmatisation ethnique, religieuse particulière. Je pense que ce n'est absolument pas le cas chez Saïd, ni ici, ni ailleurs. Et donc je signale qu'on retrouve une autre figure du collabo, disons pour faire vite, un peu plus loin, dans le même chapitre, en la personne d'un certain Chalroub, dont, si vous vous souvenez, on apprendra qu'il s'agit d'Omar Sharif. On sent qu'il y a une vengeance terrible. Les mémoires sont une vengeance par moment pour Saïd. Donc, il était au Victoria College, mais en position de surveillant, de terminal, et donc, lui aussi, est pas comme un sadique. Les mots sont employés. C'est un sadique manifeste qui exerce des brutalités sur les élèves, profitant de l'autorité qui lui était déléguée par le directeur de l'école. Pour en revenir à l'épisode de la fessée, il a au moins, qui est mon préféré évidemment, il a au moins ceci de commun avec celui de Rousseau, qu'il est analysé par le narrateur des mémoires comme une sorte de matrice comportementale. Alors que Jean-Jacques va dans la punition de Mademoiselle Lambercier, le point de départ de toutes ses orientations sexuelles futures, Saïd, lui, fait de la punition corporelle une sorte de boomerang, genèse d'une série de revanches à venir. Je le cite, « Une rage sans pitié s'empara de moi, et je fis le vœu de leur rendre, leur est mis entre guillemets, à interpréter, qui exactement, je fis le vœu de leur rendre la vie impossible sans me faire attraper, sans jamais me permettre d'être proche de l'un d'eux, et de prendre à ma manière, ce qu'ils avaient à m'offrir. » Tout un programme, magnifique. Retourner donc la leçon contre ceux-là même qui la dispensent, mais admettre aussi, fût-ce, un peu du bout des lèvres, que le Victoria College peut-être avait quelque chose de positif. Alors, dernière partie que j'ai intitulée « Hybridité individuelle et collective ». L'école est censée jouer un rôle intégrateur, au moins dans le système qu'elle produit elle-même. Ainsi, l'usage de l'uniforme que devaient revêtir les élèves du Victoria College va-t-il dans le sens d'un effacement des différences ? Mais justement, pour un esprit indépendant comme Saïd, qui souligne à de nombreuses reprises dans ses mémoires son caractère rebelle et son sentiment de marginalité, déjà enfant, le nivellement de l'individu est insupportable, d'autant qu'il a évidemment pour objectif non avoué une forme de domination, accompagné de la mise en place précoce de toute une série de dispositifs d'autorité. Revêtir un blazer, un pantalon gris, une cravate rayée, une casquette, procure donc aux jeunes adolescents non pas le plaisir d'être comme tout le monde, ça pourrait avoir cet effet-là, mais au contraire, dit-il, un sentiment terrible de solitude et d'incertitude profonde. Saïd, au fond, donne un portrait remarquablement cohérent de lui-même. Si j'osais, je dirais qu'il s'essentialise lui-même. Il n'a pas peur de cela. Il a un caractère, et ce caractère reste tel qu'il se peint lui-même, remarquablement cohérent du début à la fin. Jusqu'au dernier mot de ses mémoires, c'est la conscience assumée, bien que souvent douloureuse, d'être en décalage, comme il dit, qui revient dans l'autodescription du narrateur. L'écriture autobiographique a bien sûr quelque chose de thérapeutique, surtout dans le contexte du combat contre le cancer. Mais il semble bien qu'une réflexion sur le rôle spécifique de l'école et même de l'université ait contribué à ce long processus de compréhension de soi-même. Ainsi, Saïd écrit-il dans le dernier chapitre, « Vers la fin de mon séjour à Princeton, mon image d'être d'être inaccompli, balbutiant, partagé, entre parenthèses, arabe, musicien, jeune intellectuel, solitaire excentrique, bon élève, marginal politique, fermez la parenthèse, me fut révélé par une camarade d'université de ma sœur Rosie, dont je fis la connaissance à Philadelphie. L'institution académique, malgré son côté normalisateur, joue donc, presque malgré elle, un rôle maïotique, puisqu'elle permet à un sujet qui réfléchit sur sa propre individualité de se révéler à lui-même, de se définir par opposition à un cadre traditionnel et à des discours dominants. Mais l'école fait plus que cela encore, car si l'on revient au Victoria College, on s'aperçoit que ce qui caractérise les élèves, c'est l'extraordinaire diversité de leur origine, dont il n'est pas difficile de voir qu'elle recèle par ailleurs, comme chez Saïd lui-même, une composante hybride. L'école de l'Empire britannique contient en elle-même son autre. Rappelons les premiers noms de famille cités par Saïd au début du chapitre 8 de ses mémoires et qui renvoient implicitement à l'extraordinaire diversité ethnique, religieuse et linguistique existant à l'époque à l'intérieur du Victoria College, Zaki, Salema, Mutevelyan, Shalom, autant de patronymes qui trahissent les origines musulmanes, arméniennes ou juives. Bien entendu, il arrive que tout ce petit monde se dispute, mais jamais, semble-t-il, au nom de préjugés racistes. Le seul vrai clivage, tel en tout cas qu'il apparaît dans le texte, est celui qui sépare les dominants et les dominés. Ainsi, le professeur d'arabe, un certain Taufik, a beau être un copte, c'est-à-dire un chrétien d'Égypte, donc un représentant d'une minorité à l'intérieur d'un pays largement islamisé, il n'en est pas moins stigmatisé par Saïd, lui-même protestant représentant d'une minorité chrétienne encore plus petite à l'intérieur du monde arabe, il n'en est pas moins stigmatisé parce que ce copte est du côté de l'autorité et que, de surcroît, il en use et en abuse pour s'enrichir en donnant des leçons apparemment inutiles. L'usage de telle ou telle langue est lui-même surdéterminé par les relations hiérarchiques fortes qui règnent au sein du Victoria College. Ainsi, puisqu'il était obligatoire de parler l'anglais à l'école, l'arabe, dit-il, devint notre refuge, la langue proscrite utilisée pour fuir le monde des professeurs, des surveillants complices et des plus anglicisés. Il n'empêche que l'anglais était aussi pour lui une langue familiale, concurrençant dès le départ l'arabe au point, écrit-il au chapitre 1 de ses mémoires, qu'il n'a jamais su laquelle il a parlé en premier. Saïd se peint donc comme un être double, comme un biculturel, mais aussi comme un métis linguistique et peut-être social. D'ailleurs, il insiste non seulement sur la diversité d'origine des élèves du Victoria College, mais aussi sur le fait que nombre d'entre eux incarnaient déjà, par leur ascendance familiale mêlée, un métissage d'Orient et d'Occident, de dominants et de dominés. Ainsi, Ali Halim, garçon à moitié américain, dont le père était d'origine albanaise et cousin du roi Farouk, ou Arthur Davidson, au père canadien et à la mère égyptienne, ou encore Samir Youssef, au père copte et à la mère hollandaise. Essaye de commenter ce qui m'intriguait et ce qui m'enchante aujourd'hui encore, c'est qu'aucun, c'est très rousseauiste cette formule, hein, elle est merveilleuse, d'un coup, superposition du passé et du présent, ce qui m'enchante aujourd'hui encore, c'est qu'aucun de ces groupes sociaux n'était exclusif ou fermé, et l'école abritait ainsi un tourbillonnant mélange de personnalités, de façons de parler, d'environnement, de religion. Microcosme d'une société hiérarchisée, le Victoria College est finalement plus complexe qu'il n'y paraît. C'est aussi le miroir, par ses élèves, du mélange culturel qu'incarnait la famille du jeune Saïd elle-même, et plus largement du milieu très cosmopolite où l'on parlait volontiers l'arabe et l'anglais. Le français, langue chic, dit-il, hein, remarque intéressante, langue chic, symbole privilégié de culture. Ce milieu était donc aisé, et à ce titre, il constituait incontestablement une petite élite, mais par sa diversité intrinsèque, il constituait un gage d'intelligence, d'une complexité identitaire, à la fois individuelle et sociale, dans le Caire des années 50. Nous étions tous des chawam, dit-il, des créatures orientales ambivalentes. Il emploie un terme arabe qui désigne, semble-t-il, des personnes d'origine libanaise, syrienne ou palestinienne vivant en Égypte. Conclusion. L'expérience scolaire du jeune Saïd au Victoria College est donc interprétée rétrospectivement par le mémorialiste de plusieurs façons. C'est d'abord une métaphore de la tutelle britannique sur l'Égypte, une tutelle qui se maintient indûment et qui s'exerce souvent de manière brutale. Par le renvoi dont l'écolier fit l'objet, cet établissement anglais apparaît également comme une sorte de matrice symbolique de ce que ressentira le futur adulte en repensant à sa vie et à son inscription dans l'histoire du Proche-Orient. Le sentiment de l'exil, jamais oublié malgré la brillante carrière à l'Université Columbia de New York. Enfin, plus que le savoir dispensé au Victoria College, ce qui semble avoir compté, ce qui reste dans la mémoire comme une expérience fondatrice, c'est l'étonnante diversité d'origine des élèves qui y étaient accueillis, ferment de richesses intellectuelles et peut-être promesse d'un monde nouveau, interconnecté, comme on dit aujourd'hui. À l'opposé, en tout cas, tout à la fois d'une monarchie égyptienne corrompue, hein, il parle du roi Farouk comme d'un gros roi libidineux, on sent le jugement protestant aussi, mais enfin bon, beaucoup de témoignages confirmeraient en réalité ce portrait probablement. Donc, à l'opposé voilà, de cette monarchie tristement incarnée par un gros roi libidineux, et aussi à l'opposé d'un empire britannique que Saïd qualifie lui-même de moribond. Le bilan de ces deux années passées dans un collège anglais de la capitale égyptienne est donc plus complexe, comme tous les bilans bien entendu, qu'il ne pouvait sembler au premier abord, ni totalement négatif, ni totalement positif. Il s'inscrit précisément dans la logique de la notion de complexité, sur laquelle réfléchit le mémorialiste lui-même lorsqu'il repense aux étés qu'il passait enfant dans le village de Dour, au Liban. Très important, les moments d'ennui, parce que c'est là qu'on réfléchit, et où il tentait vainement de comprendre les maximes de son père, qui lui disait par exemple « ne sois ni emprunteur ni prêteur ». Comment est-ce qu'un enfant peut comprendre ça ? Et de les concilier avec les conseils de sa mère, eux-mêmes apparaissant pleins de contradictions, puisqu'ils encourageaient le jeune garçon à franchir certaines limites, sans pour autant, écrit Saïd, en rejeter explicitement le principe. Le Victoria College est sans doute, dans les mémoires, l'un des endroits emblématiques où la conscience d'une complexité identitaire et intellectuelle devient en même temps le révélateur d'une conscience d'une complexité sociale et politique, elle-même assumée dans sa réalité, parfois conflictuelle. Ainsi, le « je » du mémorialiste peut-il se transformer à l'occasion en un « nous », celui des élèves aux origines diverses, stigmatisé par, comme des « métèques », hein, le mot apparaît à un moment « entre guillemets », c'est donc le discours tenu par certains professeurs, hein, par un « il », auquel il s'oppose régulièrement, celui des professeurs anglais. Cette façon de présenter l'expérience scolaire, à l'opposé donc de toute naïveté enfantine à l'école à laquelle le mémorialiste aurait pu être tenté de faire appel, dénote non seulement un regard d'adulte, mais plus encore quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler un effet retour de la théorie, comme si la publication de l'orientalisme, dans la lignée des Cultural Studies, avait permis à Saïd de mieux comprendre sa propre vie et en particulier ses années de jeunesse dans un Proche-Orient encore dominé par l'Occident, alors même que la décolonisation était en principe accomplie. Cet effet de la théorie saïdienne sur les mémoires ne se limite bien sûr pas à la critique du discours orientaliste. Culture et impérialisme, publié en 1993, soit une année avant que Saïd n'entame la rédaction de Out of Place, nourrit à l'évidence cet ouvrage, hein, ses mémoires, notamment à travers la notion de résistance qu'on retrouve précisément dans le chapitre sur le Victoria College. Par exemple, lorsque le narrateur commente l'ironie dont il faisait usage, en tant qu'élève, donc lui-même, hein, en tant qu'élève, face au professeur, et qu'il considérait lui-même comme une forme de résistance aux Britanniques. Et il dit lui-même, d'ailleurs, dans des interviews futures, qu'il, lui et ses camarades agissaient de manière sadique face au professeur. Hein, donc, sadisme contre sadisme. Quelle dureté, hein, un milieu, voilà, bon, conflictuel. Le lien, entre théorie ou critique littéraire, d'une part, et autobiographie, d'autre part, doit sans doute aussi être considéré de manière dialectique. Rien n'empêche de penser que les mémoires contribuent à leur tour à nourrir une série d'essais comme Reflections on Exile, ouvrage paru en 2000. On peut penser par exemple au chapitre intitulé The Clash of Definitions, où Saïd, polémiquant avec Samuel Huntington dans The Clash of Civilizations, insiste sur l'hybridité constitutive de toute culture et sur la porosité des frontières, chose qu'il ne faisait pas du tout dans l'orientalisme. N'est-ce pas là, d'une certaine façon, une conséquence, entre guillemets, de la réflexion autobiographique qui venait d'être menée dans les mémoires, lesquelles ont ainsi contribué, à leur tour, à prolonger la déconstruction de tout orientalisme, de tout essentialisme culturel que Saïd appelait de ses vœux, mais qu'il n'avait fait qu'entreprendre, inachevé, dans l'orientalisme. On lui a assez reproché d'avoir reconduit, parfois sans le vouloir, des oppositions et des essentialismes qu'il dénonçait lui-même. Il y a donc, me semble-t-il, à la fois une logique et une historicité de l'œuvre de Saïd. Peut-être y a-t-il aussi chez lui une part de mystère qu'il se résout, lui, Saïd, à accepter, grande forme de sagesse, dans cette définition quasi héraclitéenne du moi qui figure à la dernière page de « Out of Place ». J'ai l'impression, écrit-il, parfois d'être un flot de courants multiples. Et je terminerai simplement en citant un vers du poème Mahmoud Darwish, « Je suis le multiple », poème paru donc dans Exil, dédié à Saïd lui-même, employé par une jeune collègue à moi, que j'aime beaucoup, Laetitia Zekini, indianiste, pour en faire le titre d'un article paru dans le recueil de Sonia, présente parmi nous, paru donc dans la revue Tumulte il y a quelques années, voilà, et que je reprends à mon tour dans un palimpseste dont j'espère qu'il ne s'arrêtera pas là. Merci beaucoup.